N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que de lui dire je t'aime en tombant à genoux? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que pleurer de bonheur en riant comme un fou, que couvrir de tendresse nos païennes amours, c'est fleurir de prières chaque nuit, chaque jour? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que semer nos chemins de simple poésie? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que voir en chaque chose une chose jolie, que chanter pour l'enfant qui bientôt nous viendra, c'est chanter pour l'enfant qui repose en vos bras? N'est-il pas vrai, Marie? N'est-il pas vrai, Marie?